où je vais. Je ne vois que des chiens. Il me semble être à part. Oh, loin, loin, si loin des gens. Oh, loin, loin des gens.